c'est Thierry Gallet et il est 19h59 et pour la première fois depuis 31 ans, je voulais commencer cette émission sur le mode Peace and Love. Happy Birthday Yoko Ono. RIG, il est 20h. RIG. Oh, la narcissique, c'est vachement toujours de l'exo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Voilà, ceux qui se branchent uniquement à 20h découvriront dans le podcast que j'ai pour la première fois depuis 31 ans d'émission souhaité l'anniversaire de Yoko Ono. Pour une raison pas forcément vache, je ne savais pas quand était l'anniversaire de Yoko Ono. Et depuis qu'on a internet, ben là aujourd'hui, on m'a gentiment rappelé sur le groupe La Saga des Femmes Fortes et puis sur mon mur à moi de Facebook que c'était l'anniversaire de Yoko. Donc je lui ai souhaité comme il se fallait, avec une chanson de Johnny, qui s'appelle It's Johnny's Birthday, mais c'est une chanson de George Harrison. Ok, allez, maintenant on arrête, on oublie cette dame-là, et on passe à la Saga des Fab Four numéro 245. Bonsoir à tous. Le titre de cette émission, c'est Under the Influence Of. Pourquoi ? Parce que nous allons faire beaucoup de covers, nous allons faire le principe habituel, c'est-à-dire une chanson que les Beatles ont chantée et que d'autres ont chantée, ou alors une chanson que les Beatles ont reprise, ou que l'un des Fab Four a repris, c'est pas grave. Comme par exemple, pour les Beatles, nous allons démarrer l'émission avec Long Tall Sally, qui date de 1964, mais qui a été chantée à l'origine par Little Richard sur son album Here's Little Richard en 1957, mais qui est sorti en 1956 sous la forme d'un 45 tours. Et il y aura plein d'autres trucs dans ce genre-là. On va faire à peu près deux chansons côte à côte, puis une chanson sans reprise, puis d'autres chansons. Il y aura les Beatles, il y aura... comme invité, vous voulez connaître les invités? Little Richard, The Big Three, je suis sûr que vous ne connaissez pas. Willie Nelson sur l'album The Art of McCartney. Il y aura Phil Collins, mais oui, il y aura également Jeff Lynne et ses amis. Il y aura Tim Christensen en live, il y aura Buddy Holly, Cab Calloway, ça sera surprenant. Et puis d'autres, et puis bien sûr, George Harrison, Ringo Starr, John Lennon et Paul McCartney. Bah oui, Paul McCartney. On y va, vous êtes prêts? Alors lançons l'émission, bienvenue à vous. Retrouvez-moi sur Facebook dans la Saga des Fab Four ou sur macaclub.com, sur le groupe également, la Saga des Fab Four. Bonne soirée à tous. Ça commence maintenant avec Long Tall Sally sur RIG 90.7 également pour ceux qui écoutent sur la fréquence FM. repos, vous pouvez respirer, vous pouvez vous détendre un petit peu. Antoine, nouveau venu, salut Antoine, dit déjà, pourtant il me semblait que Yoko Ono n'était pas apprécié. Oui, alors je précise d'entrée pour Antoine, puisqu'il ne connaît pas encore vraiment l'émission, je n'aime pas l'artiste Yoko Ono. La femme Yoko Ono, le fait qu'elle ait aimé John Lennon et qu'elle l'ait inspiré, John Lennon, il n'y a aucun problème. Par contre, dès qu'elle ouvre la bouche et qu'elle hurle quelque chose en croyant qu'elle fait de l'art, là ça va pas du tout. Allez, on parle de choses beaucoup plus intéressantes. Long Tall Sally, je vous ai dit, c'est sorti en 1956 sous la forme d'un 45 tours et en 57 sur l'album Here's Little Richard. C'est une chanson de Little Richard devenue un classique du rock'n'roll. Elle a été chantée, figurez-vous, par exemple Pat Boone, Elvis Presley, Gene Vincent, Eddie Cochran, Wanda Jackson, Vince Taylor et bien sûr, elle a été reprise par les Kings et les Beatles et d'autres encore puisque Long Tall Sally a été repris plus tard par Led Zeppelin, John Fogerty, Bruce Springsteen, Heart, Les Scorpions, etc. etc. Et Eddie Mitchell l'adapte en français sous le titre L'Oncle John sur Eddie in London en 63 et Johnny Hallyday, peut-être que Eric vous en parlera tout à l'heure, l'enregistre à deux reprises dans deux adaptations françaises différentes. Sally en 64 sur des paroles de Ralph Bennett, l'album Johnny revient, les rocks les plus terribles, et en 75 sous le titre Oh Sally par Michel Mallory, l'album Rock à Memphis. Voilà qui va faire plaisir à certains qui écoutent l'émission d'après. On écoute justement Little Richard de 1956, Long Tall Sally sur RIG. Yeah. Moi j'ai trouvé ça par The Big Three sur l'album John Lennon's Jukebox, sorti il y a quelques années. Mais ce ne sont pas eux qui sont à l'origine de la chanson Some Other Guy. C'est une chanson rhythm and blues qui a été écrite par le tandem bien connu, vous savez, par Elvis Presley, le duo Jerry Lieber et Mike Stoller. Ils ont écrit des tonnes de hits dans les années 50 et 60. Et aussi Richard Barrett, et c'est Richard Barrett qui le chante en premier. Mais là, pour l'occasion, c'était chanté par les Big Three, qui étaient d'un groupe que connaissaient les Beatles, puisqu'ils ont tourné ensemble. Et les Beatles ont repris cette chanson, Some Other Guy, notamment à la BBC en 1963, si mes souvenirs ne me trompent pas. Je prends mes petites fiches et qu'est-ce que je vois? Que oui, c'est ça, il me semble bien, mais c'est sorti sur le live de BBC, sorti en 1994. Voici la version des Beatles, en live. They had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music if you wanna dance with me. Don't get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the congo, so keep a rockin' that piano. That's why I go for the rock and roll music. Any old time you use it, Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. De cette chanson, vous la connaissez, nous sommes en 1965, Paul se réveille un matin avec en tête la mélodie complète de Yesterday. Il la plaque immédiatement sur un piano qu'il avait à côté du lit et il se dit tout est là, la chanson est complète, je ne pouvais pas y croire. Et il a eu l'impression même que c'était un plagiat quelquefois. Il a écouté quelque chose à un moment donné et puis c'est revenu comme ça. Alors il demande à son entourage, est-ce que tu as entendu ça, est-ce que tu as entendu ça? Et en fait, personne n'a entendu ça. Et il fait ça, Paul McCartney, régulièrement. Pour commencer la chanson, il met un peu n'importe quoi en tant que parole. Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. Ce qui veut dire donc, œufs brouillés, oh my baby, ma chérie, combien j'aime tes jambes. Ça pisse pas haut, quoi, c'est vrai. Mais il a changé les paroles après. C'est vrai que c'était un petit peu mieux. Franchement mieux. Paul a dû concevoir cette mélodie dans les premiers mois de 1965, mais n'écrivit les paroles qu'en juin, durant les quelques jours de vacances en Portugal qu'il avait pris avec Bruce Welch, le guitariste des Shadows. C'est alors que l'idée de choisir un titre vint sur un seul mot, Yesterday. John déclara qu'il ne regrettait pas de ne pas l'avoir écrite, mais qu'il a tout de même admis que c'était une belle chanson et que les paroles étaient bien, même s'il jugeait dommage qu'il n'y ait pas de conclusion. D'autres ont jugé que ce flou était justement l'un des atouts majeurs de la chanson. Et surtout, en 1965, la grosse surprise, c'est que Paul McCartney est seul dans le studio pour enregistrer ça. Les trois autres Beatles sont absents, le Quatuor à cordes, c'est une idée qui est venue plus tard, et c'est une très très belle chanson. Qu'est-ce qu'on va mettre en face de cette chanson? Eh bien, quelqu'un, alors que en 1965, Paul McCartney n'avait que 23 ans, en 2015, lorsque Willie Nelson enregistre Yesterday, là, il peut se rappeler de Yesterday parce qu'il doit avoir 80 balais, quelque chose comme ça, mais c'est une belle version de Willie Nelson sur l'album The Art of McCartney, et c'est sur RIG, dans la saga des Fab Four. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. She had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I had believed yesterday. I believe in yesterday. Willie Nelson nous entraîne, lui, carrément du côté cow-boy, au coin du feu. On imagine presque le feu qui crépite la nuit, les chevaux qui sont en train, qui sont autour de, comment ça s'appelle, la carriole, là, qui sont autour de la carriole. Et puis tout le monde autour du feu. Et puis, Willie Nelson en train de chanter avec sa guitare. Et puis, quelqu'un à côté avec l'harmonica, etc., etc. Moi, j'imagine tout ça. Ah oui, oui, j'ai de l'imagination, parfois. Et la suite de la saga, la semaine dernière, je crois, ou dans une émission récente, nous avions passé Tomorrow Never Knows, mais pas la version habituelle des Beatles. Donc on va réparer ça en passant d'abord celle de Phil Collins en 1981 sur l'album Face Value, puis la version des Beatles sur l'album Revolver. Voici ces deux suites sur RIG dans la saga des Fab Four. Phil, quand tu veux. Il a commencé, mais il commence très très bas. Hello, this is Michael Honorato from Beatles Tonight, and I'm listening to La Saga de Fab Four with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. L'intervention de Michael Honorato qui fait le Beatles Tonight chaque lundi de 10h à minuit sur la côte est des États-Unis dans le New Jersey, c'est juste à côté de New York, donc entre 4h et 6h du matin le mardi pour nous en France, me donne l'occasion donc de parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine que vous retrouvez sur Facebook, sur Google+, sur Twitter et sur bien d'autres réseaux sociaux. Elle parle 24h sur 24, 7 jours sur 7 de John Paul Ringo George, des amis de George, Paul Ringo George, et également de nous, les animateurs, votre serviteur, Michael Honorato, et bien d'autres qui font des émissions sur les Beatles. Si vous voulez tout savoir, allez rejoindre, vous voyez la page Facebook de, au moins, par exemple, de Lovely Rita, la page qui s'appelle Beatles Magazine. Extrêmement facile à trouver, et c'est vraiment très, très intéressant. Hi, Lovely Rita. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Late of Pablo Frank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters. Lastly through a hogshead of real fire. In this way Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the waltz. 10 to 6 when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. Bing bing, some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill. Pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Told you they wasn't so old. You look at the world and I notice it's turning. While my guitar gently weeps. Every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. On me demande souvent, Thierry, si tu devais garder une seule chanson des Beatles. Déjà, je râle, parce que garder une seule chanson des Beatles, c'est dur. Et puis on me dit, ton chouchou, c'est McCartney, c'est vrai, on le sait. Et puis d'ailleurs, on me le reproche, ça, je le mets entre guillemets. Mais quelle chanson tu garderais ? Eh bien, figurez-vous que c'est While My Guitar Gently Weeps. J'adore cette chanson, je la trouve parfaite. Je trouve que là, du début à la fin, on est au 7e ciel. Et la voix d'Harrison et la voix de McCartney qui vient dessous, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aime tellement ça qu'on va s'en rajouter 2 minutes de plus, puisque en 2004, Jeff Lynne, Tom Petty, Danny Harrison, le fils de George forcément, et d'autres, dont Prince, nous rechantaient While My Guitar Gently Weeps en tant qu'hommage à George Harrison. Là voici la même chanson, 2 minutes plus longue, 6 minutes et quelques, de While My Guitar Gently Weeps sur RIG. présenté en public au Rock and Roll Hall of Fame en 2004. C'était Jeff Lynne, Tom Petty et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voici, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Il s'appelle Tom Christensen. Il a fait tout un album qui s'appelle Pure McCartney. Ah oui, je sais. Et il nous chante Dear Boy. J'adore cette version. C'est en live. Il faut le faire. Et ensuite, on écoutera forcément la version de Dear Boy de Paul McCartney du studio, lui, par contre. I guess you never knew, dear boy, what you'd found. I guess you never knew, dear boy, that she was just the cutest thing around. I guess you never knew what you'd found, dear boy. I guess you never saw, dear boy, that love was there. dans la chanson Dear Boy, Lovely Rita écrit sur Facebook about his relationship with Linda, à propos de sa relation avec Linda. C'est vrai, quand lorsque Paul a écrit ça, en gros, la chanson dit remercie celui qui a largué Linda McCartney pour que Paul puisse la récupérer, quoi, finalement. Il dit tu sais pas ce que tu as manqué, et tant mieux pour moi. Mais à un moment donné, John Lennon pensait que c'était adressé à lui, mais non, c'était adressé à celui qui a laissé tomber Linda McCartney. C'est vrai qu'elle était bien jolie, Linda. Ça, c'est extrait du dernier album en date de Paul McCartney, Save Us, sur RG. Cover Sleeping and Sliding, c'est une chanson écrite et chantée par Little Richard en 1956 sur son album Rock and Roll. La version que je vais vous proposer d'entendre, c'est celle de Buddy Holly sur son album Reminiscing, que l'on retrouve également sur le fameux John Lennon's Jukebox dont j'ai parlé tout à l'heure. L'album Reminiscing de Buddy Holly, c'est de 1963. Et puisque j'ai parlé de John Lennon, on va donc d'abord écouter la chanson de Buddy Holly, la cover de Buddy Holly, et puis il y aura la version de John Lennon de 1975 sur l'album Rock and Roll. Vous êtes sur RIG 90.7, le soir, le mercredi soir de 20h à 22h, c'est la radio des Fab Four. Slipping and a sliding, peeping and a hiding, been told a long time ago, ho, ho, ho, ho. Slipping and a sliding, peeping and a hiding, been told a long time ago, ho, ho, ho, ho, ho. I've been told, baby, you've been bold, I won't be your fool no more. Oh, big conniver, nothing but a child, I done got help to your jive. Oh, big conniver, nothing but a child, done got help to your jive. Slipping and sliding, peeping and hiding, I won't be your fool no more. She's a solid cinder. You know you better surrender. Oh, my Linda, she's a solid cinder. You know you better surrender. Slipping and sliding, peeping and hiding. I won't be your fool no more. Slipping and a sliding, peeping and a hiding. Been told a long time, time ago. Oh, oh, oh, slipping and a sliding, peeping and a hiding. Been told a long time ago. Oh, oh, oh, oh, oh. I've been told, baby, you've been bold. I won't be your fool no more. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Buddy Holly nous a bien plombé l'ambiance avec un truc vraiment très très cool. Mais John Lennon va faire remonter tout ça. Vous êtes prêts à pousser les tables et les chaises et à monter éventuellement sur les tables? Voici John Lennon sur les VG. Rock and roll. Dans la série, on va revenir loin en arrière. C'est extrait du George Harrison's Jukebox. Voici Cab Calloway. Donc attendez-vous à quelque chose d'ancien. Between the Devil and the Deep Blue Sea. Puis la version de George Harrison sur l'album Brainwashed. Between the devil and the deep blue sea, I ought to cross you off my list. But when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. The devil and the deep blue sea. The devil and the deep blue sea. Années plus tard, voici la version de George Harrison. And again. One, a two, a one, two, three. I don't want you, but I hate to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you. 'Cause I can't forget you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I wanna cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. You up my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. Got me in between the devil and the deep, the devil and the deep, devil and the deep blue sea. Cat Calloway, ça me rappelait un peu les vieux dessins animés de Tom et Jerry. Hein, si vous voyez ce que je veux dire, vraiment des vieux trucs. Et là, c'est plutôt sympa avec le ukulélé. Et allez, la prochaine chanson, eh bien, est dédiée à une personne qui me manque et qui est assez loin. et c'est Your Love is Forever. C'est George Harrison en 1979 sur l'album du même nom. L'album s'appelle George Harrison. C'est pour toi, Alexandra. Tell you what this one is called. I'm just going to ask Colin to give me that chord. In a town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed up to the sun till we found the sea green, and we played beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. And our friends are all aboard. Many more of them live next door. And the band began to play. Play it to me, boys. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. Canada, Canada. We live the life of ease. Every one of us has all we need. A sky blue, sky blue. Same green. In our yellow, submarine. Come on. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. Come on at the back. A yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. Come on now. We all live in a yellow submarine. I said a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. Ringo Starr en 2003 sur un album qui s'appelle tout simplement Ringo Starr Tour 2003. Donc c'était assez facile. Et là vous vous dites, il n'a pas osé. Si, this song, this number is specially for you, lovely Rita. Nous avions tous le même âge. Le même âge, la même joie. Quand un jour dans le village. sous-marin jaune est devenu vert en français en 1994 sur le best-of des compagnons de la chanson Oui j'ai osé. Et le titre du best-of, c'est Les Trois Cloches. Vous ne rêvez pas, c'est vraiment ça. C'est rare que je passe du français dans la saga. C'était pour rire. La saga des Fab Four, c'est sur RIG. John Lennon en 1975 sur l'album Rock and Roll avec cette reprise de Chuck Berry. Chuck Berry l'avait forcé en justice à reprendre la chanson en 1975 parce que dans la chanson Come Together, il lui a piqué des paroles, il lui a piqué Here Come Old Flat Top, ça fait partie de la chanson You Can Catch Me, et John Lennon s'est pas fait prier, ça lui a fait plaisir de reprendre cette chanson-là sur son album Rock and Roll pour rendre hommage à ses pairs, P-A-I-R-S. Et je vous propose d'écouter la version de Chuck Berry, celle qui est sortie en 1956 en single. C'est lui l'auteur, donc Chuck Berry. Et je vous... elle est sur l'album The Roots of John Lennon également. Il fallait que je change de page, donc il fallait que je puisse meubler un petit peu. Voici la chanson du Chuck. He was moving up with me, then come waving goodbye in a little old souped-up jitney. I put my foot in my tank and I began to roll, moaning siren towards the state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye-bye, New Jersey, I become airborne. Now you can't catch me. Baby last Saturday night, putting a gray cloud floating in sight. Big full moon shining up above. Huddle up, honey, be my love. Sweetest little thing I've ever seen. I'm gonna name you Maybelline. Flying on the beam, set on flight control. Radio tuned to rock and roll. Bien sur RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four jusqu'à 22h. Et tout à l'heure, lors de la chanson Dear Boys sur Maca Club, on a parlé des muses de Linda, qui était la muse de McCartney, de Yoko, qui était la muse de John Lennon, et de Patty aussi, qui a été la muse de George Harrison. Pour Ringo, c'est vrai que c'est Barbara, mais je ne suis pas certain qu'il ait écrit des chansons. Il en a parlé dans une des chansons de Barbara, mais est-ce qu'il a écrit une chanson spécialement pour Barbara? Je ne m'en souviens plus. Voici en tout cas une chanson qui a été vraiment inspiré pour Yoko par John Lennon, mais qui peut s'appliquer à toutes les femmes. On vous aime les femmes. Voici Woman en 1980 sur l'album Double Fantasy. Et c'est sur RIG. plus belles chansons de John Lennon sur RG dans la saga des Fab Four, Woman. Je vous propose de revenir bien en arrière. Voici Larry Williams qui nous chantait She Said Yeah. On écoute d'abord sa version et puis il y aura après la version de 1999 sur l'album Run Devil Run par Paul McCartney. Later, here's Paul McCartney. Saga des Fab Four, c'est John, Paul, Ringo et George avec Thierry Gallet. I'm ready, let's do it. Andy Fabulous. Well, how do you say you will when you won't? Say you do, baby, when you don't. Everything about you is a doggone sweet. You got that sand all over your feet, but honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, Saturday night. Sunday morning, you don't look right. You've been out painting the town. Uh-uh, baby, been stepping around. Uh-uh. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Concert pour George en 2003, voilà, c'était Honey Don't, grand fan de Carl Perkins, Ringo Starr et d'ailleurs les autres Beatles, puisque la version que je vais vous proposer est extraite de Blueprints of the Beatles, que j'ai trouvé sur le net, et c'est la version de Carl Perkins sur RIG. You say you will when you won't. You tell me you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now, is love real? Oh, honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. No, honey, don't. Hey, honey, don't. Say you will when you won't. Honey, don't. Baby, and you ought to know, I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. So, hey, honey, don't. Slipping around, so hey, honey, don't. Thank you. McCartney dans la saga des Fab Four. When the sky is filled up with storms and heavy rain, and trouble starts sliding across your mind, it's hard for me to see which road I've gotta take. I'm gonna need to find a way to leave it all behind. Let's shine on, let's shine on. McCartney en 2008, extrait de l'album The Fireman, Lights from Your Lighthouse. On change de registre avec Instant Karma, Monsieur John Lennon sur RIG. very own Sharon Hall. And the moon, and the stars, and the sun. Et qui a repris, à votre avis, cette version d'Instant Karma? Eh bien, pour la campagne for Darfur, Save Darfur, je vais y arriver, en 2007, il me semble, c'est le groupe U2 qui a repris cette chanson. Là, sur l'album Make Some Noise. Et sur la RG, forcément. This karma's gonna get you. It'll knock you right on the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. What in the world you're thinking of? Laughing in the face of love. Karma's gonna get you. Yeah, you get you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. By the world you're gonna see. Laughing at fools like me. What on earth do you think you are? Get you, gonna knock you off your feet. Better recognize your brothers, everyone that you meet. Why in the world are we here? Shutting up the living pain and fear. Why on earth are you there? L'album s'appelle donc Make Some Noise, Save Darfur. C'était en 2007. Et il faut qu'on se dépêche un petit peu pour pouvoir rendre les clés à l'heure. Donc voici la version du George Harrison Jukebox. Voici James Ray sur RG et cette version Got My Mind Set On You. Money, I'm gonna take part of the money to do it. lorsque George Harrison reprend la chanson, ça donne ça. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. Right, child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. My mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind. It's gonna take money, whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it. Ainsi que se termine cette 245e édition de la Sagrée Fab Four. Merci à tous et à toutes. Merci aux nouveaux, je pense à vous. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle saga qui sera consacrée, si mes souvenirs sont bons, oui, à Paul McCartney, l'album Pipes of Peace. Je vous laisse avec Eric, il est en forme, ça va être très très bien. Johnny de A à Z dans quelques instants. A bientôt, bisous filles, prenez-moi mon garçon, et à plus tard, ciao.